o mal, passé ou qui perde. Toute illusion, j'ai envolé. Ou aguisé ou qu'a tremblé, ou désarmé ou qu'a gémi. Il y a trop tard pour regretter. Oh maudit, ça fait ou pas fait, on bon foi. Sans pitié.